Dans sa chambre d'adolescente, au mur décoré de posters, de tous les rêves qui la hantent, je suis passé avec sa mère, simplement pour lui dire bonsoir, simplement pour lui dire bonsoir. Échanger un sourire quand la maman tournait le dos. Je n'avais pas envie de dormir, son regard me faisait chaud comme le soleil trouve le brouillard, comme le soleil trouve le brouillard. Demain matin elle partira vers Brest et la cour du lycée. Je crois qu'elle me manque déjà. Mardi sera vite arrivé. Enfin je pourrai la revoir. Enfin je pourrai la revoir. Les yeux ouverts sur ce lit, j'entends les vagues qui déferlent, décorant le silence de la nuit, comme l'aube, le chant du merle. Je pense à elle dans le noir, je pense à elle dans le noir. Que suis-je venu faire ici? Quel piège me tend le hasard? Quitter la ville et sa folie, tordre le cou du désespoir. Je pense à elle dans le noir, je pense à elle dans le noir. Demain matin elle partira vers Brest et la cour du lycée. Je crois qu'elle me manque déjà. Mardi sera vite arrivé. Enfin je pourrai la revoir, enfin je pourrai la revoir, enfin je pourrai la revoir, enfin je pourrai la revoir, enfin je pourrai la revoir. Enfin, je pourrai la revoir.